Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin sport local et régional en parlant qu'hier au tennis, au Challenge Bank National, la Québécoise Charlotte Robillard-Millette a défait Lin Chun Hu en 2-7 de 6-4 et 6-2. Il y a également la Canadienne Carole Zhu qui a défait Anne-Sophie Mestache, également 2-7 de 6-4 et 6-2. Ça se poursuit aujourd'hui à Ville-Saguenay. Hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé avec Charles Tremblay des élites de Jonquière qui est natif de Saint-Félicien. Charles Tremblay connaît un excellent début de saison avec les élites de Jonquière et il mentionne dans un premier temps qu'il est quand même un peu surpris de sa performance. Je suis surpris quand je me suis rapporté aux élites en début de saison. J'avais l'intention de dominer cet élève-là. C'était ça mon objectif. Je dis pas que je le domine, mais je dis qu'il faut que je continue à travailler fort si je veux arriver à avoir cet objectif-là, à l'atteindre. Charles Tremblay rend crédit à ses compagnons de trio. Oui, c'est sûr. Écoute, présentement, je joue avec Charles-Édouard Drouin et Mathieu Boulian. Fait une couple de semaines qu'on est ensemble. Puis honnêtement, ces deux-là, ils font tout un travail aussi. Là, c'est incroyable. Là. Eux aussi, ils récoltent beaucoup de points. On parle peut-être moins, là, mais sans ces deux gars-là, je pense pas que je serais capable d'avoir autant de points que ça, honnêtement. Écoute, je trouve qu'ils performent vraiment au-delà des attentes, ces deux-là. Puis c'est vraiment deux bons gars en plus de ça. Donc, c'est ça. Charles Tremblay espère être appelé par les Saguenay de Chicoutimi après les fêtes. Ben oui, c'est sûr, j'aimerais ça être appelé, mais écoute, j'essaie de pas me prendre la tête avec ça. J'essaie de pas penser à ça pour le moment. Je pense que le mieux à faire dans ces situations-là, c'est seulement penser que je suis avec les élites, puis vraiment penser élite, penser à mon équipe Midget 3, puis jamais penser à mon équipe junior majeur. Puis écoute, si jamais eux, ils me rappellent, ben. Quand je vais arriver là-bas, c'est sûr que je vais être prêt et je vais essayer de performer. Et dans un dernier temps, Charles Tremblay explique que les élites vont quand même très très bien cette année. T'es là? Oui, vraiment. Écoute, je pense qu'on est rendu quatrième dans la ligue. Mais honnêtement, je pense qu'on peut être premier. Puis je pense que l'objectif, c'est d'être premier. T'sais, même si on est quatrième, oui, c'est bon, mais je pense pas qu'on veut se contenter de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est être les meilleurs, puis regarder les autres d'en haut. On veut continuer à performer soir après soir, puis surtout aller chercher de la constance dans nos performances. Okay. Parce que présentement, ce qui arrive, c'est que souvent, on réussit à se sauver avec la victoire, mais on joue jamais 60 minutes. On joue toujours deux périodes, une période et demie, puis on se contente de ça. Parce qu'on gagne. Mais honnêtement, rendu à la fin de l'année, nous les vétérans, on le sait, rendu en série, tout, tu peux pas jouer 40 minutes dans un match. Il faut que tu joues 60 minutes si tu veux réussir à gagner. OK. Ligue Saint-Paulette, dans les différentes ligues, maintenant, il y avait des matchs. D'abord, les Sables de Roberval ont gagné contre les Bulldogs de Saint-Félicien 4-1. Et les Bulldogs, ils ont perdu 3-1 également contre les Patriotes de Saint-Bruno. Dans la tombe B, Guérilou de Boumsissi 2-0 sur les Hurricanes de Massouillache. Et les Aiglons d'Alma ont vaincu les Hurricanes 4-1. Et dans le Piouillard, gain des Aiglons d'Alma 2-1 sur Massouillache. Et Verdicneux de 2-2 entre Métabetchouane et Saint-Félicien. Et les Sénateurs de Saint-Félicien ont battu le Royal de Métabetchouane. Au niveau Bantam, Verdicneux de 3-3 entre les Hurricanes de Roberval et les Flames de Jonquière. Et les Patriotes de Saint-Bruno ont gagné 8-2 sur les Hurricanes de Roberval. Et en Bantam B, gain des Bulldogs Saint-Félicien 7-6 sur les Braves de la Baie. Et les Loups de Delboom-Sissin ont le meilleur sur les Prédateurs de Laval 4-3. Curling, maintenant, il y avait des matchs dans la Ligue du lundi soir. À Saint-Félicien, d'abord Guy Rousseau défait André Laforge 4-1. Jean Lamotte 7, Christian Savard 4. Claude Bilodeau 11, Serge Lebel 7. Victoire également de Gaston Martel sur Pierre Bouchard 6-3. Et Stéphane Séguin a battu Jean Lavertu 8-4. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Stéphane Lebeau. On fait un peu le bilan de l'actualité chez le Canadien. On s'est également entendu avec Caroline Brodeur, qui est une cavalière de Boumsissini qui parcourt toutes les fins de semaine le Québec pour différentes compétitions. Et on s'est également entretenu avec d'autres intervenants dans le monde du sport. Le sport local et régional à DanRadioSport.com.